Imaginez-vous au volant du Ford Kuga hybride. Imaginez la puissance et le silence au bout des doigts. Imaginez la sensation d'une expérience de conduite inédite. Imaginez un plaisir et une mobilité sans limite. Imaginez l'électrique, c'est bien, mais l'essayer, c'est encore mieux. Pendant les Ford Power Days, profitez de nos offres avec encore plus d'avantages pour passer à l'hybride. Ford. Portes ouvertes ce week-end. Power Days signifie journée énergisante. Des volcans dans toute leur puissance destructrice, des ouragans auxquels succède la dévastation, l'océan immense soulevé de fureur, la cascade gigantesque d'un fleuve puissant, plus leur spectacle est effrayant, nous dit Emmanuel Kant, plus il ne fait qu'attirer davantage. Et il ajoute « pourvu que nous nous trouvions en sécurité ». Et tout est là dans ce « en sécurité ». Car à ce catalogue dressé en 1790 des catastrophes naturelles, s'ajoutent désormais les catastrophes écologiques devenues de désolants spectacles et qui, contrairement aux premières, ne provoquent en nous que de l'impuissance. La preuve aujourd'hui avec les méga-feux. Déjà 3 jours que d'immenses incendies ravagent la Kabylie, dans le nord de l'Algérie. La situation est aggravée par des températures extrêmes et des vents forts. Faute de pompiers, les habitants luttent avec des moyens dérisoires. Des branches contre les flammes. À Fort McMurray, les flammes ont ravagé une superficie équivalente à 10 fois la taille de Paris. Les feux de forêt sont habituels au Canada, mais ce qui interpelle cette fois est l'ampleur de la catastrophe. Un incendie géant qui serait notamment lié à des températures records dans la région. Peor de los incendios, el más voraz de los incendios forestales de la historia de este país. Se trata de unas 130.000 hectáreas. Огонь и завеса дыма – это кадры лесных пожаров в Карелии. В республике действуют 30. En quelques heures, les flammes rongent la quasi-totalité du village. Une priorité, empêcher à tout prix tout nouveau départ de feu dans les débris encore fumants. Bonjour Joël Zask. Bonjour. Vous êtes philosophe, enseignante à l'université Aix-Marseille, spécialiste de philosophie sociale. On vous doit, paru en 2019 aux éditions Premier Parallèle, « Quand la forêt brûle », penser la nouvelle catastrophe écologique. Alors on a entendu hein, dans ce mix d'archives, d'actualités, l'Algérie, le Canada, le Chili, Carélie, Grèce et encore actuellement en Californie, les méga-feux sont un phénomène extraordinaire, assez récent. Hein, ça fait peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années qu'on parle de méga-feux et pourtant ils sont devenus un phénomène extrêmement familier. Les choses s'accélèrent. Alors, comme un méga-feu. Oui, comme les méga-feux, ça va très très vite. Et de fait, il a fallu beaucoup de temps pour identifier que dans les feux actuels ou dans un certain nombre de feux qui ravagent des portions impressionnantes du territoire, il y a un phénomène qui est nouveau. Pendant très longtemps, et d'ailleurs même en 2017 quand j'ai commencé mon travail, la Vulgate en France en tout cas, c'était de dire mais non, mais c'est normal, le feu fait partie de la vie de la forêt et la forêt a besoin de brûler d'ailleurs, et c'est ainsi qu'elle se régénère. Hein. Oui. C'est quand même quelque chose qui excusez-moi, je vous coupe Joël Zask. Bien sûr. Cette culture du feu en fait qui est quelque chose en fait de normal, il y a des feux qui sont normaux, on va dire, et d'autres qui ne sont pas normaux, et ça c'est pas forcément évident puisqu'on entend sur les feux qui sont toujours représentés comme un grand danger. Oui, c'est ça. C'est effectivement le feu de forêt, quand on y est confronté aujourd'hui dans la proportion qu'il a acquise, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas normal justement dans ce feu de forêt. Et ça, ça a été le point de départ de mon travail. J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de pas normal, que au contraire, enfin disons que ce feu ne faisait pas du tout partie de la vie de la forêt, mais au contraire qu'il l'a condamné à une mort certaine et durable. Donc voilà, je crois que il faut arriver maintenant à pointer, à identifier la différence entre les feux normaux, les feux naturels, les feux dirigés, on y reviendra, et le nouveau régime de feu qu'on appelle le méga-feu. Comment faire pour sensibiliser les citoyens en fait à ces méga-feux, parce que la spécificité des méga-feux finalement c'est que ils sont très impressionnants, le terme d'ailleurs le en témoigne, méga-feux, et en même temps à force d'en voir, comme je disais, ils sont devenus familiers et on reste presque extérieur en fait à ces méga-feux. On se dit c'est un phénomène de plus du réchauffement climatique, c'est juste encore un phénomène, mais bon, quoi faire? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera, mais seule la prévention peut quelque chose contre les mégafeux, tandis que la lutte contre le mégafeux est vaine. Et, contre le feu, vous voulez dire ? La lutte contre les feux. Contre les mégafeux, oui, elle est perdue d'avance. Ah. Voilà. En revanche, effectivement, il faudrait qu'on sorte de cette position de spectateur à laquelle Kant invite avec l'expérience du sublime. Je veux dire, le sublime dont il a été question dans la première phrase de l'émission, c'est justement le fait que on est face à un spectacle tout à fait chaotique et d'une ampleur extraordinaire, mais on se sait à l'abri. Or, mais ce terme de sécurité, on se sent en sécurité. Donc, tant qu'on est devant sa télévision à regarder le bouche brûlée des petits koalas sauvés qui s'accrochent au cou de leur sauveteur, ou qu'on s'en désole d'ailleurs. Bah, d'une certaine façon, on a le sentiment d'abord qu'on fait quelque chose pour la nature et donc on se dédouane de notre caractère destructeur. Mais par ailleurs aussi, finalement, on ne fait rien du tout. Ce qui est important avec le mégafeu, c'est que ça nous place devant la nécessité d'une action immédiate. Il faut savoir que quasiment 70% des communes françaises vont être exposées à des feux de forêt dans les 30 ans qui arrivent. Donc aujourd'hui, le feu, ça n'est plus quelque chose de lointain, c'est quelque chose de très proche. Les forêts de l'Est de la France ont failli brûler cette année, elles sont encombrées de bois mort. Il y a des feux dans le Var, il y a des feux sur tout le pourtour de la Méditerranée, il y a des feux un peu partout dans le monde. Et quand on regarde les cartes de la NASA, donc qui représentent la masse des feux à un moment X, on est complètement affolé. Disons, on se sent vraiment concerné. Donc, je pense que le concernement, il doit venir aussi de la part des gens afin qu'ils se préparent, à faire face à ces mégafeux en justement en les prévenant, en faisant tout ce qu'il faut pour éviter leur propagation et leur déclenchement. Alors là, deux questions, Joël Zask. Que peut le philosophe, comme vous, pour préparer en fait les citoyens à faire face aux mégafeux ou à les prévenir? Et d'autre part, vous, Joël Zask, vous êtes philosophe, mais vous avez vécu intimement, eu une expérience intime d'un mégafeu. Oui, alors que peut le philosophe? Alors je ne sais pas, le philosophe d'une manière générale, moi j'écris en citoyen en fait, j'écris en citoyen ordinaire, qui a un certain bagage philosophique et des méthodes qui lui permettent éventuellement de faire un pas de côté par rapport à ses préjugés, ses manières de penser, ses habitudes, ses représentations les plus ordinaires, et à développer une espèce de méthodologie sur le terrain pour identifier des phénomènes émergents. Alors, c'est en ça que mon travail sur le mégafeu se relie effectivement à mon expérience personnelle qui s'est passée au Cap Bénat, donc à l'été, en août 2017. Je n'étais pas présente au moment du passage du feu, mais j'étais présente 2 jours après le passage du feu. Et ce que j'ai éprouvé m'a interloquée. Là, j'étais plus dans le sublime. D'abord, le spectacle, c'était celui d'une désolation. Donc, il y avait quelque chose de profondément déprimant dans le spectacle d'une forêt mise à mort par des flammes profondément destructrices qui avaient même déraciné, atteint la racine des grands arbres. On y avait des carapaces de tortues, évidemment vides de toute vie. Donc, une forêt complètement étouffante, asphyxiante. Enfin, il faut voir que, disons, un immense incendie, ça assaille tous les sens. Une forêt parfaitement silencieuse, plus de grillons, plus de cigales, plus d'oiseaux, plus de vent dans les branches, plus rien en fait, vraiment un silence de mort. Et là, ça a été justement un peu le coup d'envoi de mon travail, dans la mesure où je me suis, d'un point de vue, je dirais, tout à fait normal, enfin, et pragmatiste, si je peux dire, je me suis trouvée face à un trouble, face à une difficulté, face à une interrogation, une espèce de problème, en fait, que j'ai eu envie de résoudre. Alors, je peux préciser qu'il m'arrive souvent d'avoir des sentiments, des expériences très très problématiques qui ne me mènent à rien, hein. Pas toutes les expériences dont je vais faire des livres, mais celle-là en l'occurrence je l'ai testée. Je me suis dit, mais finalement que puis-je, avec ce que je sais faire, ce que je peux faire, mon projet, que puis-je tirer de partageable de cette expérience? Et je dirais que faire une expérience complète dans la tradition pragmatiste, c'est... Alors la tradition pragmatiste, juste pour nous dire, c'est une tradition américaine, anglo-saxonne. On connaît notamment le philosophe John Dewey, si on le connaît. Et c'est une tradition qui repose beaucoup sur l'enquête et sur le fait d'être, de ne pas forcément hiérarchiser les données. données, sur le fait de fonctionner en mettant en avant l'expérience et pas forcément des concepts ou en tout cas une théorie. Effectivement, alors moi je suis un peu une spécialiste du philosophe pragmatiste qui est l'un des fondateurs du pragmatisme américain qui s'appelle John Dewey, qui a vécu en gros entre 1850 et 1950, et c'est un philosophe de l'expérience. C'est un philosophe qui considère l'expérience, alors c'est un terme un peu compliqué, en tout cas très polysémique, donc... Qui peut être aussi un peu fourre-tout, parce que comme vous disiez, n'importe quelle expérience ne fournit pas non plus de quoi faire une enquête philosophique. Voilà, parce qu'en fait, il y a des expériences tronquées, des expériences à demi. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé expérience, habituellement, surtout dans la tradition empiriste, c'est le fait d'être affecté, comme un objet qui frappe vos sens. Voilà, ça c'est une expérience. Mais en fait, dans le pragmatisme, c'est que la moitié de l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, elle est complète si à ce qui frappe mon imagination, mes sens, mon intuition, mon intellect, ce qui provoque un trouble, une difficulté, un problème... eh bien, si à cela, j'arrive à coordonner un cours d'action qui va régler le problème, en gros. Et donc, l'expérience, elle va être complète quand j'aurai réglé le problème. Alors, je peux dire que c'est vers cette direction que je me suis dirigée, en fait. Comment je vais régler le problème? Alors, qui est un problème mental et psychologique et un problème intellectuel ou théorique, mais c'est aussi un problème de tout le monde. C'est un problème écologique. C'est un problème démocratique et c'est un problème écologique. Donc, je dirais que, effectivement, dans la tradition pragmatiste, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience complète a le pouvoir de détrôner les théories et a le pouvoir de les mettre à l'épreuve. Disons que on peut dire que les faits sont sous le contrôle des théories, puisque la théorisation, c'est en gros l'idée directrice que je vais poursuivre pour, disons, découvrir dans la réalité des éléments pour l'élucider, en fait. Mais en même temps, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si mes expériences ne me mènent pas à confirmer l'hypothèse initiale, alors à ce moment-là, il va falloir que je la révise, que je l'amende ou que je la rejette complètement. Donc c'est vraiment cette relation-là que je trouve très très intéressante dans le pragmatisme et qu'on va pouvoir décliner d'ailleurs dans tous les champs de l'existence et qui, sur le terrain, permet de coordonner justement des hypothèses de type philosophique, des hypothèses existentielles ou citoyennes, avec des complexes expérimentaux qui vont les mettre à l'épreuve. Les grands feux ont ravagé le nord de l'Ontario de façon cruelle et dévastatrice au début du XXe siècle. C'étaient des feux transportés par des vents violents sur 50, 100 kilomètres, détruisant tout sur leur passage, des forêts, des villages, des villes, des vies. C'était une mer de feu, un tsunami de flammes qui avançait dans un grondement d'enfer. Impossible d'y échapper, il fallait courir plus vite que le feu, se jeter dans un lac, une rivière, s'accrocher à une chaloupe surchargée, un tronc d'arbre, attendre que le monstre se repaisse de sa fureur, que les flammes s'entre-dévorent, qu'il ne lui reste plus rien, qu'il se dirige vers d'autres forêts, d'autres villes, ne laissant derrière lui qu'une terre noire et dévastée, une odeur de fin de combat, et ce qu'on découvrira et ne découvrira pas sous les cendres. Le grand feu de Matteson a été le plus meurtrier. 243 morts, ce sont les chiffres officiels. Il ne compte pas les prospecteurs, les trappeurs et les errants, ces êtres qui n'ont pas de nom, pas de nationalité, qui n'existent pas, qui vont d'un endroit à l'autre. Le pays était neuf, il attirait des aventuriers de toutes sortes. On en retrouvera quelques-uns dans des ruisseaux asséchés, mais la plupart ne formeront qu'un petit ados calciné que le vent emportera loin des chiffres comptables. 500 morts, ont dit certains. Le feu a des caprices qu'on ne s'explique pas. Il va sur les plus hauts sommets, arrache le bleu du ciel, se répand en rougeoiement, en gonflement, en sifflement. Dieu tout-puissant, il s'élance sur tout ce qui est vivant, saute d'une rive à l'autre, s'enfonce dans les ravins gorgés d'eau, dévore les tourbières, mais laisse une vache brouter son herbe dans son rond de verdure. Que peut-on y comprendre? Le feu, quand il a atteint cette puissance, n'obéit qu'à lui-même. Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre interpréter ce récit de Jocelyne Saussier, Il pleuvait des oiseaux, interprété par Hélène Losser. Donc c'est un récit consacré au souvenir de Tay Botchuk, dernier survivant des grands feux du nord de l'Ontario en 1916. Alors ce texte est incroyable, Joël Zask, puisque on entend cette idée de grand feu, donc ce qui peut rappeler d'une certaine manière les méga-feux, à voir en fait comment on définit les méga-feux. C'est un petit peu quand même l'enjeu là de ce qui va nous occuper, mais pour définir les méga-feux, encore faut-il comprendre le feu. Or, il y a cette phrase très belle, le feu a des caprices. Que peut-on y comprendre? Le feu, quand il a atteint cette puissance, n'obéit qu'à lui-même. Alors, comment comprendre le feu, Joël Zask? Et à partir de là, comment définir les méga-feux? Alors, effectivement, il y a toujours eu dans l'histoire des feux catastrophiques, des feux géants, des feux qui emportaient tout sur leur passage et contre lesquels aucune tradition, aucune technologie ne pouvait quoi que ce soit. Donc ça existe. Mais ce qui était rare devient aujourd'hui beaucoup plus fréquent, voire la norme. Disons que c'est pas le nombre. Pas un été sans un méga feu maintenant. Sans plusieurs méga feux. Oui, voilà. C'est-à-dire que il y a eu dans le passé évidemment des périodes de sécheresse prolongée, des périodes de température extrême, et donc qui ont encouragé des méga feux et leur propagation et leur caractère profondément meurtrier. Et évidemment aussi ce sentiment de la part des populations victimes que le feu n'obéit qu'à lui-même. Le feu, en fait, a sa logique. Il a, d'ailleurs, aujourd'hui, on analyse de plus en plus finement les méga-feux et on se rend compte que, non, le feu fait pas n'importe quoi. Le feu a, une capacité à générer sa propre logique et en particulier son propre climat. Il a la capacité de faire des bonds tout à fait extraordinaires, de revenir en arrière, de circuler sous la terre. Enfin bon, voilà, on découvre toutes sortes de choses sur le fonctionnement, le comportement du feu via les méga-feux. Donc ça c'est assez fascinant parce que ça veut dire, Joël Zask, que le feu obéit à des lois. En fait, le feu est autonome. Il obéit à des lois qu'il se prescrit lui-même, contente de découvrir, mais en fait qui peuvent nous rester parfaitement opaques. Disons qu'on sait que pour les... Oui, tout à fait. On sait que les feux... par exemple, les méga-feux nous prennent de surprise. On n'y est pas habitué. Et du coup, les technologies qu'on met en œuvre sont relativement impuissantes. Sinon, bien sûr, elles sont extrêmement importantes pour protéger les vies humaines et pour éventuellement protéger quelques habitations. Mais sinon, le méga-feu, qu'il faudra définir, en fait, il mord de cause naturelle. Il s'éteint lorsqu'il n'y a plus rien à brûler, lorsqu'il se met à pleuvoir ou à neiger, lorsqu'il arrive au bord de la mer et choses de ce genre. Voilà, donc c'est ça qui va l'arrêter. Mais sinon, il brûle absolument tout sur son passage et sans qu'on puisse contraindre sa direction. Donc ça, c'est évident. En même temps, disons qu'il est, disons, de la nature du feu, effectivement... De s'auto-générer au contact de l'oxygène à partir du moment où il y a des combustibles, mais en même temps, et à partir du moment où il y a une mise à feu, ça, voilà, c'est important quelle est la mise à feu. Mais cela dit, il existe toutes sortes de techniques ancestrales qui étaient destinées justement à faire avec le feu, à le diriger, à le contrôler, à le provoquer de manière à anticiper les plus grands feux et à éviter leur propagation. Donc en fait, le feu n'est pas toujours, disons, à nos yeux irrationnel et voilà, pas du tout. Il y a vraiment des manières de faire avec le feu qui permettent de le contrôler. Mais je crois que le feu, bon, évidemment chez Bachelard et dans toute la mythologie, voilà, le feu c'est toujours les deux. C'est-à-dire que il y a une nature très très paradoxale du feu, à savoir qu'il est, disons qu'il ne faut pas qu'il atteigne une intensité trop importante parce que au-delà d'une certaine intensité, on ne sait plus faire, on ne peut plus faire. Mais c'est là tout l'intérêt du feu. C'est en ça qu'il est fascinant. Il est fascinant. C'est-à-dire qu'il contient en lui-même cette possibilité d'intensification qui ferait qu'il pourrait nous échapper. Quand on regarde un feu dans une cheminée, on ne souhaite pas du tout qu'il brûle notre maison, mais il y a quelque chose de fascinant à voir le feu manger le bois. Oui. Et d'ailleurs, quand on commence à imaginer qu'il va pouvoir brûler la maison, faute d'un bon ramonage, parfois on renonce à la cheminée. Enfin, moi, personnellement, oui, c'est ça. J'ai très peur des feux. Donc. Mais alors, par rapport au feu, le méga-feu, est-ce que c'est une différence, on pourrait dire, presque de degré? C'est-à-dire que c'est un feu... Oui, d'intensité. Donc, c'est un feu plus. Là, l'intensité nous échappe. Donc là, on est du côté du feu, finalement, qu'on connaît. Mais qu'on connaît paradoxalement du côté de son indomptabilité, ou est-ce que c'est vraiment un autre type de feu? Est-ce qu'on a une différence de degré ou une différence de matière, de nature avec le méga-feu? Ben, je pense qu'il faut avoir une approche pluridisciplinaire des caractéristiques du méga-feu sur lesquelles il n'y a pas vraiment de consensus à l'heure actuelle. C'est ça, personne n'est d'accord sur cette définition de méga-feu. Ça, c'est intéressant de le dire. Ben, d'accord. C'est-à-dire, d'abord, le terme s'est pas imposé partout. Vous avez d'autres termes qui font un peu concurrence à méga-feu. C'est celui que j'avais sélectionné à l'époque parce que il me semblait bien passé en français, mais on parlait de feu extrême, de feu géant, de beast, la bête. Voilà, il y avait toutes sortes de termes, notamment en Californie. C'est surtout les Californiens finalement qui ont commencé à analyser le phénomène les premiers, et pour cause. Mais disons que je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est justement la définition du méga-feu ou du feu extrême. Peu importe, elle est souple. Elle est souple et il va s'y engranger des tas d'éléments. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est d'abord c'est des feux qui atteignent une intensité absolument hallucinante, puisque par exemple un canadair normal peut éteindre ou contrôler un feu qui fait 10 000 kW par mètre, alors que les feux en Australie, on en a atteint 80 000. Donc on est vraiment dans des proportions complètement différentes. Après, c'est un feu, je dirais, qui est caractérisé de méga en raison de son étendue. Ça, c'est aussi, parce que ils ne sont pas plus nombreux que les feux traditionnels, si on peut dire, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus étendus. Ils vont très, très loin. Ils brûlent parfois des milliers d'hectares. Donc, c'est, par exemple, en Sibérie, là, on est aux millions d'hectares. C'est complètement effrayant ce qui se passe. Donc, il y a l'étendue, il y a l'intensité. Moi, je dirais qu'il y a aussi le fait que c'est lié au réchauffement ou au dérèglement climatique. Clairement, voilà, le lien, il est fait aujourd'hui, il a été fait difficilement, mais voilà, les méga-feux doivent s'analyser en fonction du dérèglement climatique. Oui, c'est un des symptômes de l'anthropocène, si on peut dire, c'est l'un des symptômes du dérèglement dont les activités humaines sont responsables. Ça, c'est quasi certain. Mais ce qui est spécifique avec les méga-feux, Joël Zas, c'est que d'un côté, ils sont un symptôme, mais un effet du dérèglement climatique. Oui. Mais qu'ils contribuent aussi, paradoxalement, à ce réchauffement climatique. C'est ça aussi qui les rend méga. Méga et extrême. Et, voilà, et tout à fait cauchemardesque, parce qu'effectivement, aussi ces feux, contrairement aux feux auxquels les forêts sont habituées, auxquels les sociétés humaines ou les civilisations humaines étaient habituées, ces feux, en fait, ne sèment pas la vie, mais sèment vraiment la destruction. Donc, par exemple, une forêt californienne a besoin de 400 ou 500 ans pour se régénérer. Une forêt méditerranéenne a besoin d'au moins 80 ans pour se régénérer. Et si les feux qui passent sont relativement normaux, mais en fait, les feux actuels qui brûlent jusqu'aux racines, qui détruisent les graines, les semences, les animaux, etc., sont des feux dont la forêt ne pourrait se remettre que sur des temps encore plus longs. Or, ils passent très souvent, beaucoup trop souvent, pour que la forêt puisse se régénérer. Donc, c'est encore une fois, c'est pas des feux qui participent de l'écologisation des territoires, mais au contraire. Et de fait, aujourd'hui, on estime, la NASA l'avait mesuré, que les méga-feux contribuent pour 30% des gaz à effet de serre, ce qui est normal, ce qui est énorme. Et par ailleurs, par exemple, la forêt amazonienne qui est en proie aux flammes, aujourd'hui, ça a été établi assez récemment, produit plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en absorbe. Donc voilà, on est dans un renversement. Effectivement, la contribution des méga-feux au réchauffement climatique, au dérèglement, est très très importante. Aussi du fait que, par exemple, les feux rentrent dans les mines abandonnées et font ressurgir des métaux lourds et toutes sortes de choses qu'on voudrait laisser bien profond sous la terre. C'est pas le cas. Par ailleurs, les cendres se déposent sur la banquise, donc ou sur la mer, et donc font fondre la banquise, en accélère en tout cas la fonte. Il y a plein de phénomènes comme ça qui forment une espèce de cercle vicieux, de spirale infernale. Donc ça c'est une caractéristique du méga-feu. Puis il y en a encore une finalement qui a été pointée, c'est que justement il échappe au contrôle, il échappe à la domination, il échappe à la maîtrise humaine, ce qui n'était pas le cas des feux qui existait auparavant, à quelques exceptions près, bien sûr. Un énorme panache de fumée, visible pratiquement dans tout Paris. Notre-Dame est en feu, le monument le plus visité d'Europe, l'un des symboles de la capitale française. Un joyau du XIIIe siècle en proie aux flammes. La charpente de Notre-Dame, baptisée la forêt en raison de ses centaines de poutres de chênes entrelacées. On a tellement utilisé de chênes que ça correspond à quasiment une forêt entière. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la forêt. C'est ce qui fait justement la grande richesse, le grand intérêt de la charpente de Notre-Dame de Paris. Chaque poutre provenait d'un arbre différent. L'ensemble fait plus de 100 mètres de long, 13 mètres de large. Pour éviter les incendies, l'électricité n'avait pas été installée ici. En avril 2019, c'est Notre-Dame de Paris, la forêt de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Joël Zas, qu'on voulait vous proposer cet extrait, cette archive, pour qu'on puisse faire la comparaison entre un méga-feu qu'on associe en général aux forêts naturelles, ce qui est quand même le cas, qui est incontrôlable, avec un feu qu'on va dire un peu plus normal, disons, qui touche un bâtiment. Mais néanmoins, il se produit la même chose, qui est que quand Notre-Dame de Paris est brûlée par les flammes et quand une forêt est détruite par les flammes, il se produit la disparition du paysage. En effet, il y a vraiment plein de points de comparaison, et c'est d'ailleurs un point de comparaison qui me ramène à l'origine de mon travail, puisque face à ces spectacles absolument désolants, je me suis demandé, mais qu'est-ce que le paysage ? Qu'est-ce qui me manque là ? Et finalement, qu'est-ce que le paysage du point de vue de sa disparition ? Et ça, c'était intéressant de mon point de vue, en tout cas, d'aborder la question du paysage qui m'intéresse, parce qu'elle est à la croisée de la politique et de l'art, d'aborder cette question à travers la question de sa disparition. Et donc, bien sûr, à travers la question de sa maintenance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, à partir de là, on peut voir que dans le paysage, il y a des éléments subjectifs, historiques, contextuels, puis il y a des éléments parfaitement objectifs. Il y a des arbres, il y a des troncs, il y a des forêts, il y a des choses, il y a des êtres vivants, il y a des humains, il y a des habitations, etc., etc. Et je crois que c'est vraiment le paysage, il vient se jouer dans, non pas dans la symbiose entre du matériel et du spirituel, entre du subjectif et de l'objectif, mais dans l'aménagement de la bonne distance en quelque sorte et de la connexion entre, disons, un vécu et puis son environnement, parce qu'on vit pas dans la stratosphère, on vit dans des environnements, et la manière dont on vit nos environnements, ce sont nos paysages. Donc ils font partie de nous, en fait, ils sont pas devant nous, ils font vraiment partie de nous. Ce qui est paradoxal, parce qu'un paysage, on a toujours l'impression, si vous voulez, que c'est une image, en fait, c'est une sorte de beau tableau, de poster, où on se dit, mais ça reste à distance, et qu'on est purement spectateur, en fait, de ce paysage, qui est presque parfois un décor. Et à vous entendre, Joël Zas, qu'on a l'impression en fait que ce paysage, on fait plus que le regarder. Ben oui, on fait beaucoup plus que le regarder. Et Jean-Marc Besse a écrit de très beaux textes sur cette question. C'est que effectivement, le paysage, est bien sûr lié également aux éléments, à la géographie. On ne va pas imaginer un paysage maritime lorsqu'on est dans les Alpes de Haute-Provence. Enfin, donc il y a évidemment des données. Il y a un découpage et une organisation, géographique, climatique, écologique, écosystémique du paysage, qui est un peu la base à partir de laquelle ou sur laquelle va se développer notre imagination, nos usages. Et nous ne faisons pas des découpages du paysage. Nous voyons notre environnement à travers des usages, c'est-à-dire à travers des manières d'activer les choses qui sont véritablement là. Alors, je dirais de les activer de manière positive, de les activer sans en être otage ou victime, mais en même temps de les activer sans les détruire. En fait, je crois que dans le paysage, il y a à la fois, l'initiative que nous prenons dans la constitution d'un monde partageable, mais en même temps, la prise en considération de ce qui est là pour assurer sa durée, sa permanence, sa préservation. Des conditions de possibilité de sa Et donc, je pense que le rabattage de la réduction du paysage sur, par exemple, le tableau, Alors beaucoup d'historiens de l'art ont prétendu que finalement le tableau invente le paysage et que nous voyons la nature à travers des tableaux ou des photographies. Moi je pense que c'est très élitiste et très faux à certains égards, parce que c'est ôter finalement aux gens qui vivent dans des lieux précis la capacité d'avoir une relation esthétique et une relation paysagère à leur environnement. Donc ça, c'est très grave, parce que ça a aussi donné les mégafeux, ça contribue à les... C'est-à-dire, en quoi ça a donné les mégafeux? C'est-à-dire qu'il y a une forme, il y aurait, ça légitimerait une forme d'inconscience vis-à-vis du paysage qui serait juste une belle image à regarder de loin, et donc une manière de laisser faire, de maltraiter le paysage qui créerait la condition de possibilité d'un mégafeu. En fait, ça, exactement. Ça crée deux circonstances contradictoires, mais en fait, qui contribuent toutes les deux à l'émergence des mégafeux. Premièrement, ça crée une relation effectivement de consommation au paysage, puisque le spectateur n'agit pas. Hein, le spectateur, il regarde, il contemple, mais il consomme. C'est-à-dire que, et par ailleurs, tous ceux qui vont encourager le tourisme, le urbanisme, la cabane dans les bois, le mitage, bon, etc., et qui vendent des terres plutôt que de les entretenir et de les laisser finalement à la nature, tout ceci vont justement travailler en vue de la fabrication d'une image attirante. Voilà. Mmh. Et donc la transformation du paysage en image se caractérise par des actes très très précis sur le terrain. Donc et qui sont très mauvais pour les équilibres naturels, qui sont très mauvais pour les animaux, qui sont très mauvais bien sûr pour les autochtones ou les indigènes ou les, disons, les habitants traditionnels du lieu. Et puis l'autre effet, c'est que, je dirais évidemment le touriste en général, mais ça peut changer, le touriste ou le urbain ne connaît rien à la forêt, et il faut rappeler quand même que les feux sont provoqués à 98% par des activités humaines, la plupart étant négligentes ou accidentelles, mais bon, sans oublier qu'il y a quand même 30% des départs de feux qui sont criminels. Donc, un autre problème. Et puis, à l'opposé, si on peut dire... Enfin, à l'opposé, ou en tout cas de manière concomitante, vous avez le fait que, retirer aux autochtones la capacité de vivre d'un paysage, de l'aimer, de l'entretenir, d'en prendre soin, sous prétexte qu'ils seraient ignorants, égoïstes, primitifs, sauvages, pécuniaires, intéressés et de toute façon totalement indigents face aux nécessités expertes de l'entretien des forêts, c'est justement conduire à supprimer ces populations, en tout cas à leur interdire de pratiquer leur culture ancestrale. Et ça, c'est catastrophique sur le plan de l'entretien des forêts. Parce que c'est une autre cause des mégafeux, c'est que, justement, se sont mises en place, il y a une cinquantaine d'années, des politiques de préservation de la nature au nom d'une nature pristine, vierge, au nom d'une nature qui n'a pas besoin de l'homme, au nom d'une nature qu'il faudrait sanctuariser, qu'il faudrait mettre sous cloche pour faire pendant un peu à la destruction de la civilisation industrielle. Enfin, faut savoir que c'est les mêmes qui ont cette... Voilà, il faut rappeler, Joël Zas, oui, que là, les deux manières, en fait, comment le feu, en fait, révèle en détruisant nos paysages, donc ce qui était là, mais aussi nos deux manières de nos deux rapports à la nature. Oui. D'une part, un rapport en fait de domination et de destruction. On l'entend d'ailleurs quand on parle de mégafeu et de lutte contre les mégafeux ou de lutte contre le feu. C'est vraiment des politiques d'affrontement avec la nature, d'assujettissement, de domination. On parle de soldats du feu, de lutte contre le feu, d'interdiction du feu. Et puis de l'autre côté, on a des politiques un petit peu naïves de préservation de la nature, qui en fait, a priori, serait la solution, mais qui en fait sacralisent complètement la nature et qui, de la même manière, en fait, en viennent à dénaturer la nature. Oui, alors là, il faudrait rentrer dans toutes sortes de nuances, parce que justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on sait que la préservation de la nature va passer par la mise en œuvre de méthodes très variées, très plurielles. Disons ce qu'on appelle la libre évolution, pourquoi pas, ça peut marcher. Mais en tout cas, ça crée beaucoup de conflits sur le terrain et c'est assez compliqué. Moi, j'ai pas du tout la compétence pour en décider, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que les politiques d'extinction des feux à la première étincelle et de criminalisation des feux dirigés, des feux traditionnels, ont mené finalement les forêts, ceci couplé à la déprise rurale, et pastorales ont mené finalement à l'abandon des forêts. Forêts qui, alors là, il faut le rappeler, forêts qui sont habituées au feu depuis quelque chose comme 2 millions d'années. Alors, on dit les forêts, c'est aussi les tourbières, c'est aussi donc toutes sortes de paysages naturels qui sont des paysages qui ont été sculptés par les usages anthropiques du feu. Stephen Pine, un grand historien du feu qui travaille sur cette question depuis une soixantaine d'années, en fait, a bien mis en évidence justement que depuis Homo erectus, c'est-à-dire 1,9 million d'années, les hommes ne savaient pas, à cette époque, les humains, enfin cette espèce humaine ne savait pas fabriquer le feu, mais savait le conserver et voyager avec le feu, et que partout où les humains sont allés, ils ont mis le feu. C'est-à-dire que ils ont effectivement sculpté des paysages. Alors ça a eu des conséquences, par exemple la disparition de la grande faune, des conséquences sur le développement de l'espèce humaine aussi, la mastication, le développement du cerveau, par exemple une santé plus robuste du fait que les bactéries, les germes sont grillés par la cuisson. Bon, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Donc une bonne reproduction, une bonne taux de fertilité de l'espèce humaine. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a eu des effets, mais disons que, enfin, on peut dire que jusqu'à il y a une centaine d'années, ou même 80 ans, un équilibre avait été trouvé. Et cet équilibre est rompu aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est que toutes sortes de paysages ou de pans de nature sont habitués au feu et ont grandi, si vous voulez, on se sont ajustés aux usages anthropiques du feu. C'est le cas du bush australien, qui a un paysage du feu. C'est le cas des grandes plaines américaines, hein, qui sont aussi produites par les usages millénaires du feu par les Amérindiens. C'est également le cas de la forêt méditerranéenne qui a besoin du feu. Et toutes les espèces de Méditerranée sont adaptées au feu. Pensez à l'écorce du chêne liège ou du chêne vert. Donc il y a des tas d'arbres, disons, locaux qui sont aussi des retardateurs de feu, comme la famille des ifs ou des cyprès et choses de ce genre. Donc quand on supprime, disons, les feux dirigés, les feux d'origine humaine destinés à préserver la forêt, celle-ci s'encombre de matière sèche, celle-ci s'encombre de strates intermédiaires qui sont comme des tremplins pour les flammes, celle-ci s'encombre de nuisibles, et finalement, celle-ci est livrée aux flammes. Voilà. Je vous propose, Joël Zask, d'entendre un extrait d'une personne, justement, qui pratique cette culture du feu. Ce qui est impressionnant, c'est que après ces kilomètres et ces kilomètres de souches brûlées, de paysages détruits, dans ce petit coin-ci, il y a du vert. Yeah, well, that's why we came here, because I wanted to show you that these precautionary measures, they work, and they need to be practiced all over the country. Et c'est pour ça que je vous ai amené ici, nous dit Aido. C'est pour vous montrer que c'est justement ici qu'on a pratiqué des feux préventifs traditionnels aborigènes, qui ont fonctionné à empêcher l'avancée de ces méga-feux, et que si on utilisait cette technique un peu partout, on pourrait diminuer l'impact de ces incendies. As we were driving in, everything was destroyed and there was no chance anyone or anything could have stopped that damage. Jusqu'à ici, le chemin qu'on a suivi, tout était détruit, tout a été brûlé et rien n'a pu être fait pour empêcher cet incendie. But when we look here, mais quand on regarde où on est là ici, you can see the fire has come up the hill. On voit que les feux est arrivé du bas de la colline où on est. It's come, yeah, up the hill, jumped that road. Qu'il a sauté par-dessus cette petite piste here, et qu'il a continué à avancer, à monter. And all this is untouched from. Et à partir de là où on en est, because that's all the area that we've burnt. Là, on voit effectivement, on est pile à la frontière où du même côté de la colline, d'un côté c'est tout brûlé et de l'autre, là, je vois du vert devant moi. Pour la première fois depuis des kilomètres. Et tout ça, c'est parce que vous avez pratiqué les feux préventifs. Yeah, all this got burnt because it's been neglected. Mais l'autre côté de la route, ça a été complètement laissé à l'abandon, et c'est là où le feu a pris de plus belle. Vous écoutez France Culture, c'est le deuxième épisode de notre série des chemins de la philosophie sur le feu. Aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Joël Zask, on vient d'entendre un extrait de ce reportage diffusé sur France Inter en août 2020. C'est dans l'émission Je reviens du monde d'avant. On entendait la voix d'Ado Webster, donc c'est en Australie, qui emmène le reporter Guy Van Til pour lui expliquer les cultures du feu et pour expliquer ce phénomène incroyable qui est que quand on préserve la nature grâce au feu, avec des feux dirigés, apprivoisés, contrôlés d'une certaine manière, eh bien ce sont des techniques qui permettent de prévenir les méga-feux. Il le dit, hein, le méga-feu a contourné l'endroit où les feux traditionnels avaient été lancés. Oui, voilà, c'est là que réside l'espoir. Alors, il faut quand même. Donc, préciser. L'espoir réside dans le feu, en fait. Dans ce type de feu, mais également dans, alors, faut quand même le dire, dans, disons, le contrôle et la diminution drastique de l'émission des gaz à effet de serre qui perturbent notre climat. Parce que, bien sûr, disons que les deux facteurs, d'un côté, le dérangement climatique et de l'autre, la suppression des activités traditionnelles dans les forêts, se cumulent. Et on va avoir besoin de solutions relatives à ces deux séries de causes et d'effets pour s'en sortir. Donc voilà, je pense que parfois les feux sont tellement intenses que malgré des feux préventifs, ils arrivent à se propager. Donc c'était le cas, par exemple, bon, il y a eu une discussion dans le Var. Les responsables de la réserve naturelle nationale des Maures ont dit qu'ils avaient fait ce qu'il fallait pour prévenir le méga-feu. Les agriculteurs disent que ça n'est pas le cas. Voilà, donc il y a un problème d'interprétation sur le terrain de ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que l'entretien de la forêt a vraiment eu lieu conformément aux règles de l'art? Est-ce que de toute façon la sécheresse était à un tel niveau que de toute façon le feu aurait eu lieu? C'était presque inévitable. Était inévitable. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le débroussaillage, les feux dirigés, les feux préventifs, l'éco-buage font vraiment partie à la fois de la vie des forêts et de la vie des civilisations qui ont pour site ces environnements-là, et que la destruction de la forêt, c'est aussi la destruction des gens qui vivent dans la forêt, et ça me semble, ou des cultures des gens qui vivent dans les forêts, et je crois que c'est vraiment important de faire le parallèle entre les deux. Les aborigènes sont bien sûr appartiennent à des groupes linguistiques et des groupes culturels assez différents, mais qui ont été systématiquement détruits par les pouvoirs en place, hein, par la civilisation occidentale, par aussi ces politiques préservationnistes et en même temps destructrices de la nature, etc., etc. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de rangers qui sont recrutés parmi les aborigènes, mais est-ce qu'ils ont véritablement un rôle décisionnaire? Est-ce qu'ils sont aux premières loges? Est-ce qu'ils sont consultés? Ou est-ce qu'ils sont simplement instrumentalisés pour accompagner, disons, les experts du monde occidental qui continuent à dire qu'ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain? Donc c'est très compliqué, en fait. Les solutions existent, mais ce sont des solutions qui vont... qui dépendent de la mise en œuvre d'un vrai pluralisme à la fois culturel, linguistique, disciplinaire. Il faut, d'une certaine façon, intégrer les compétences de chacun et que les gens qui sont au contact de la forêt, notamment les touristes, les urbains, mais également les habitants des villages, etc., soient aussi... informés, mis au courant, formés. Concernés. Oui, bien sûr, ça suppose leur concernement, mais en tout cas formés à la prévention contre les feux. Par exemple, débroussailler autour de sa maison. La maison dans les bois, est-ce que c'est encore possible? La question doit être posée. Quel matériau utiliser si je vis dans telle ou telle région inflammable? Qu'est-ce que je fais de mes réserves d'eau? À quel moment je dois couper les arbres? Si je fais pratique des feux dirigés, à quel moment? Bon, les feux d'entretien ne sont pas des feux qu'on va déclencher en plein mois d'août au moment avec de la sécheresse. Avec une cigarette. Bon. Voilà, évidemment. Donc, il y a des moments. Il faut savoir énormément de choses. Les aborigènes possèdent une quinzaine de termes pour désigner les feux traditionnels, qui sont des feux, je dirais pluriels aussi, ce sont des feux destinés à entretenir la nature. Alors on parle de cleaning country, de ménage de la nature en fait, de ménage du pays. Et le pays est toujours quelque chose de ménager, d'aménager, de ménager, et dans lequel on fait le ménage en fait. Donc où on intervient de manière à le préserver comme paysage, comme pays en fait. Est-ce que cette culture du feu, Joël Zask, c'est un petit peu la manière de dépasser l'alternative assez stérile entre une sacralisation de la nature et une domination de la nature? Est-ce que c'est une troisième voie? Ah oui, ça je le pense tout à fait, de manière très à la fois documentée, intime et psychologiquement satisfaisante. Mais alors comment la mettre en œuvre? Parce que finalement, ce que vous décrivez là, avec l'idée de que chacun, chaque citoyen soit concerné, chaque citoyen se pose la question de où il vit, donc notamment pour ceux qui vivent à côté d'une forêt. Donc, mais même en fait, on pourrait se dire aussi en périphérie de la ville, et même d'ailleurs dans la ville, la consommation d'eau, les arbres autour cultivés à l'intérieur de la ville, les jardins partagés. Donc, par exemple, donc tout ça, finalement, c'est plus des questions plus politiques, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, on vous décrivez plus une assemblée de citoyens qui va se questionner ensemble sur ses conditions de vie, plus qu'un citoyen lambda et séparé des autres qui va se dire « bon, où est-ce que je vis et il faut que je tonde mon gazon ?» On est vraiment dans des dimensions différentes. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de fondamentalement communautaire, au sens littéral du terme, dans la prévention contre les mégafeux. Et je dirais que le mégafeu est le symptôme de la destruction de ce qu'il y a de commun ou de communautaire dans nos modes de fonctionnement, dans nos façons d'agir, dans nos façons de nous comporter vis-à-vis de la nature et dans la façon de régler nos interactions humaines. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que le mégafeu a pas vraiment été identifié ou, disons, prévu par, disons, les écologues, les climatologues. Le GIEC n'a pas vraiment parlé des mégafeux avant très récemment, en fait. Avant d'en être, en fait, le témoin. Avant d'en être le témoin. Et donc ça, c'est pas... Enfin, le problème n'est pas de distribuer des bons et des mauvais points, mais en fait, qu'est-ce qui, dans nos sciences, dans nos compartimentations mentales, dans l'organisation de nos connaissances, dans, disons, l'écoute ou le manque d'écoute qui est le propre d'activités complètement clivées les unes par rapport aux autres, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas vu arriver un phénomène aussi massif, aussi destructeur et aussi déterminant pour l'avenir? Donc je crois que c'est des questions qu'on peut se poser. Et de fait, à partir du moment, ce que j'ai fait personnellement, sans doute très maladroitement, en mixant des données qui venaient à la fois de témoignages, de documents, de scientifiques, de géographes, d'écologues, de chimistes, mais aussi de riverains, de victimes, de forestiers, de pompiers, en mixant tout ça, alors j'ai vu et faire émerger un phénomène. C'était pas le point de vue que j'avais développé au départ, parce que encore une fois, quel était votre point de vue au départ? Ben, au départ, je voulais travailler sur le paysage. Et finalement, je me suis dit, ben, pour travailler sur le paysage, il faut que partir de sa destruction finalement. À partir de sa destruction, mais en fait, pour comprendre ce que représente vraiment le paysage et ce vers quoi il nous amène, c'est-à-dire la recombinaison de modes de vie profondément dissociés. En fait, bah, je suis finalement tombée sur le mégafeu. C'était une manière de l'identifier. Et je crois profondément que on peut mixer, combiner, tisser ensemble des savoir-faire, des savoirs, des manières de se conduire extrêmement différents. Et que c'est dans l'invention d'une communauté entre des gens profondément différents, dont les intérêts, les besoins, les compétences, les fins en vue sont différentes, que la question, enfin que les solutions écologiques et démocratiques peuvent être réglées. Une bonne manière aussi peut-être d'envisager l'avenir, de prévenir en fait les catastrophes écologiques, c'est peut-être d'écouter Hans Jonas qui, dans ce texte, propose de responsabiliser chacun d'entre nous. Un impératif adapté au nouveau type de l'agir humain s'énoncerait à peu près ainsi. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ou, pour l'exprimer négativement, agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. Ou simplement, ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur Terre. Ou encore, formuler de nouveau positivement, inclus dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objet secondaire de ton vouloir. On voit sans peine que l'atteinte portée à ce type d'impératif n'inclut aucune contradiction d'ordre rationnel. Je peux vouloir le bien actuel en sacrifiant le bien futur. De même que je peux vouloir ma propre disparition, je peux aussi vouloir la disparition de l'humanité. Sans me contredire moi-même, je peux, dans mon cas personnel comme dans celui de l'humanité, préférer un bref feu d'artifice d'extrême accomplissement de soi-même à l'ennui d'une continuation indéfinie dans la médiocrité. Or, le nouvel impératif affirme précisément que nous avons le droit de risquer notre propre vie, mais non celle de l'humanité. Et qu'Achille avait certes le droit de choisir pour lui-même une vie brève, faite d'exploits glorieux, plutôt qu'une longue vie de sécurité sans gloire, mais que nous n'avons pas le droit de choisir le non-être des générations futures à cause de l'être de la génération actuelle. Et que nous n'avons même pas le droit de le risquer. C'était un extrait de Le principe responsabilité, paru en 1979, texte de Hans Jonas, interprété par Hélène Losser. Alors on a commencé avec Emmanuel Kant, Joël Zask. On va se quitter avec une redéfinition de l'impératif catégorique de Kant, mais adapté donc au nouveau type de l'agir humain. Moi j'aime beaucoup la première partie du texte, la manière dont il ne cesse de redéfinir en fait son idée, et il va la formuler positivement en disant « Inclus dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objet secondaire de ton vouloir ». Joël Zask, est-ce que ça, c'est une bonne manière de se projeter dans l'avenir? Je dirais oui et non. Alors, je ne vais pas rentrer dans une exégèse, ça serait un peu long, mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons, disons par rapport à cette citation, c'est que nous avons de plus en plus la conscience de former une communauté biotique avec des non-humains. Donc, quid des non-humains dans cette définition? Quid de la morale de la communauté future? Oui, c'est ça. Donc, c'est un impératif moral. Est-ce que c'est un impératif politique? Moi, j'en suis pas sûre parce que, en fait, politiquement, il est absolument essentiel que les gens jouissent d'un environnement. Et justement, beaucoup de gens aujourd'hui sur Terre sont privés d'environnement et donc sont privés à la fois des conditions normales de leur propre épanouissement, puisque, comme disait Rousseau, c'est quand même par l'éducation des choses aussi qu'on se réalise soi-même, mais qui, par ailleurs, sont totalement indigents en ce qui concerne, justement, ce qu'on pourrait appeler le soin de l'environnement, vu qu'ils n'en ont pas. Et bon, on peut penser à la ville. Enfin, donc ça pose vraiment des tas de problèmes. Je pense que les interactions humaines sont dignes, respectables et engageantes et justes à partir du moment où il y a entre les hommes un monde fait de choses, de plantes, d'animaux qu'on peut appeler objets transitionnels, qu'on peut appeler environnement, qu'on peut appeler médiation, qu'on peut appeler tout ce qu'on voudra. Mais en fait, moi, ça me semble jardin partagé, pourquoi pas. Ça me semble vraiment important et je crois que c'est quelque chose qui est pas vu, qui est pas suffisamment considéré dans la pensée, par la pensée de Hans Jonas. Et ce texte, pour le coup, il y a quelque chose en fait de l'ordre de l'impératif qui ne convient pas. C'est-à-dire que toutes les critiques qu'on fait à l'écologie, c'est parfois d'être des Khmer verts, d'être dans une sorte de suspicion de surplombant. Or, en fait, se mettre du côté de l'impératif catégorique, moral, en fait, ça rate à la fois peut-être le champ, mais aussi la manière de faire passer, de repenser une nouvelle manière d'agir. Alors, il ne dit pas « considère autrui » ou « considère la génération future », mais « agit de manière à ». Donc, il y a un conséquentialisme quand même qui fait avancer les choses. Ceci étant, de quelle manière pouvons-nous agir? Quelles sont les compétences requises? Quelle est l'éducation qu'il faudrait pour que nous sachions ce qui est bon pour? Alors ça aussi, c'est un énorme problème. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que toutes sortes de nos actions se révèlent néfastes alors qu'on n'avait pas imaginé 3 secondes qu'elles pourraient l'être. Donc là aussi, c'est une espèce de zone d'ombre. Par ailleurs, il faut quand même aussi peut-être remarquer que des milliards sont mis sur la table pour que nous quittions la Terre. Et disons que le futur de l'humanité sur Terre... Et peut-être un peu, je dirais, étant donné l'imaginaire actuel, il est peut-être un peu restrictif par rapport à des ressorts d'actualité extrêmement puissants à travers le transhumanisme, l'exploration de l'espace, les capsules spatiales. Je veux dire, quand même, ce programme de quitter notre condition terrestre, il est en route aujourd'hui. Donc, voilà. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. World, I wanna see it boil. I wanna see this world, I wanna see it boil. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees.